techno-tech, je crois. Techno au départ qui va dévier un peu comme ça, on sait pas trop où, bah, ça va être la surprise. Voilà, on a Jer dans les locaux qui est déjà là, qui nous balance des petites nappes ambient noise, histoire qu'on n'ait pas l'air de couillon. Coucou Jer. Ah, bonjour à tout le monde. Voilà. Voilà, et puis on a notre assistant son, aka Guy Loops, clan des robots, notre tech represent, voilà, voilà. Vince au streaming, pas loin, qui nous jette un œil. Et puis bah, Seb, si t'es prêt, on va pouvoir y aller. Alors c'est parti tôt, une heure de Laurentium. À bientôt, ciao ciao. How about that? autrement. Dis-moi autrement. Acceptez alors avec humilité. Acceptez alors avec humilité. L'encouragement sera suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Gardant l'esprit, plaisir. Important, attends, acceptez alors l'humilité tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme.

Ouais. Bon bah voilà, c'était un petit mix de Laurentium, de ses compos. Techno, trans, hardstyle, néo-gab, virant speedcore africain, un truc comme ça. Respect. J'ai remarqué aussi de la house latino. Hein. C'est vrai, une tendance afro-cubaine un peu. Ouais, ouais. Tectonique aussi, histoire de se mettre un petit peu au goût du jour en portant la tectonique. C'est ce qui va nous faire connaître un petit peu plus. Donc, on va accueillir GG qui vient d'arriver dans les locaux, qui est en train de se préparer tranquillement aux platines. Donc, GG, rupture de Rock System, 89 représente, Auxerre, la révolte par le son. Aussi Notec, membre actif et bien plus présent. Donc là, on vient d'entendre des choses. 95 Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, la ville des émeutes. Donc nous allons vous passer un petit émeutier. Que pensez-vous des émeutes dans le 95? Moi, je m'en fous, ils ont pas fait quand même ma voiture. Bon. Donc. Ouais. Donc, GG, pour enchaîner ou bien? Ok. Eh ben, on vous laisse alors pour une heure de mix house de dance. Il a oublié de vous dire aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le chat. Hein, le chat Radio Full Vibes où vous pourrez discuter avec nous et avec les membres de Notec. Donc, allez sur le site, vous cliquez sur chat et là-bas, bah, vous recliquez et vous êtes sur le chat. Conneries à vous dire. Ouais, voilà, hein, tout le monde, ils sont bien chauds là, donc voilà, sur Radio Full Vibes. Yes. Allez, à toi, GG. Yeah. We'll be right back. Thank you.

Ouais, on est là. Ouais. Bon, déjà, voilà, je voudrais remercier